Bonjour, je suis Léo et vous écoutez La Lanterne des Otaku, l'émission 100% Japon sur Fadjet. C'est une immense joie d'animer ma première émission sur Fadjet. Je suis un grand passionné du pays du soleil levant et de sa culture. L'émission sera en trois parties avec une partie traditionnelle où je vais parler des actus du Japon, vous emmener à la découverte d'une ville, du pays pour terminer sur le portrait d'un japonais. Pour les mordus de manga, une partie pop culture vous sera dédiée avec mon manga coup de cœur, les sorties du mois de février et les conventions à ne surtout pas rater dans la région. Enfin, la dernière partie sera l'occasion de donner la parole à un invité qui valorise la culture japonaise à travers son métier ou sa passion. Mon invité aujourd'hui sera la mangaka Shindo, qui est aussi traductrice de manga best-seller comme Dragon Ball ou encore Jujutsu Kaisen. Allez, on est parti pour les actus au pays des samouraïs. 200. C'est le lourd bilan de décès qu'a enregistré le Japon suite au séisme qui a fait trembler la préfecture d'Ishikawa au centre du pays. Ce chiffre s'accompagne également d'une centaine de disparus. Les conséquences sont sanitaires, avec une éventuelle expansion des maladies infectieuses, mais aussi logistiques, en raison des problèmes d'approvisionnement d'électricité et d'eau. Pour faire face aux difficultés, le gouvernement japonais va débloquer environ 30 millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés. On leur souhaite bien du courage dans cette épreuve. On dira au revoir en avril à Captain Tsubasa. Après 43 ans de dribble, l'iconique manga va s'arrêter définitivement en raison de l'état de santé de son père, Yoichi Takahashi, qui continue de se dégrader. Le mangaka explique dans une lettre à ses fans que cette décision n'a pas été facile à prendre et pourrait décevoir et attrister ceux qui aiment lire Captain Tsubasa, mais j'espère que vous comprendrez ma décision. Le personnage Tsubasa aura inspiré les Mbappé ou encore les Lionel Messi. Le ballon d'or est passé, mais Takahashi aurait mérité le ballon d'or qui aura fait rêver un bon nombre d'enfants à travers les générations. Enfin, ça chauffe à Okinawa. L'île japonaise située à l'ouest de Taïwan garde toujours des traces de la présence des bases américaines depuis la Seconde Guerre mondiale avec les travaux de transfert de l'une d'entre elles. Le principe étant de transférer la base de Futenma dans la ville de Ginowan au sud-ouest de l'île en remblayant les fonds marins. Le projet doit durer 9 ans et 3 mois. En 2019, la préfecture d'Okinawa a organisé un référendum citoyen pour se prononcer sur le sujet et ont voté contre à 70%. Seulement, ce vote n'avait aucune valeur légale aux yeux du gouvernement et ont donc débuté les travaux ce 10 janvier 2024. Le gouverneur d'Okinawa se montre inquiet quant à l'impact environnemental de cette initiative. Le ministre japonais de la Défense tente de rassurer en affirmant qu'il n'y avait aucune conséquence néfaste sur le récif corallien et que les vérifications avaient déjà été effectuées. Affaire à suivre. Vous écoutez La Lanterne des Otaku sur Fadjet, l'émission 100% Japon. Going back. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh, oh. venez d'écouter One Rock Rock, I Was King. Maintenant, je vous emmène à la découverte d'une ville japonaise, Kanazawa. Il m'était important de parler de cette ville qui noue une forte amitié avec notre chère ville Nancy depuis maintenant 50 ans. J'en veux pour preuve sa lanterne de pierre qui se trouve au jardin d'eau à côté du canal. Donc on va la visiter ensemble et vous allez voir que la lanterne n'est pas le seul trésor de Kanazawa. À environ 2h30 de Tokyo en Shinkansen, Kanazawa se trouve sur la côte ouest du Japon dans la préfecture d'Ishikawa. Kanazawa demeure une des plus grosses villes fortifiées du Japon et n'a subi aucune guerre pendant plus de 430 ans, c'est dire. La ville doit sa naissance grâce au clan Maeda, qui pendant le Japon féodal, fut un des clans les plus puissants du territoire. Bon, pour ceux qui s'intéressent aux sorties, prenez tout d'abord un bol d'air frais au jardin Kenroku-en, de génération en génération. La famille Maeda n'a cessé d'élargir pour en faire un des trois plus beaux jardins du Japon. Ainsi, vous pourrez admirer son bassin Kasumigaike, avec au bord de celui-ci la fameuse lanterne de pierre, comme celle que l'on trouve au jardin d'eau à Nancy. Le spectacle le plus sublime reste la beauté éphémère des pruniers et sakura au printemps, ou encore le manteau automnal des arbres en novembre. Après cette bouffée d'oxygène, faites un retour à l'époque féodale dans les quartiers des anciennes résidences du samouraï de Nagamachi Buke Yoshiki. Ce patrimoine bien conservé vous plongera dans l'ambiance du Japon de l'époque Edo. Pour ce qui est des traditions, le clan Maeda a permis aussi le développement des arts comme la laque, le thé vert et surtout la feuille d'or. La feuille d'or qu'on connaît bien à la place Stanislas, mais aussi la feuille d'or est un point commun qu'on a aussi avec Kanazawa. La feuille d'or est un des trésors de la ville. Kanazawa en est même la principale productrice du Japon. Si vous avez la chance un jour, et je l'espère pour vous, de visiter Kanazawa, vous trouverez dans ces rues des temples ou des statues ornées de cette feuille d'or. Mieux encore, certains artisans vous proposent des ateliers pour vous initier aux techniques de dorure. Pour environ 9,30€, vous pourrez appliquer cette technique fabriquée en laque sur des baguettes. C'est un travail qui demande de la technique, de la précision et surtout de la délicatesse, car la feuille d'or c'est quelque chose qui est très fragile et peut se casser très facilement en cas de mauvaise manipulation. Mais ne vous inquiétez pas, les artisans ne sont pas bien loin pour vous aider. Attention, pensez à réserver à l'avance. Pour terminer la journée, offrez-vous un peu de douceur en goûtant certaines sucreries comme le koicha. Alors le koicha, qu'est-ce que c'est? C'est une fine couche de crème de thé vert en sandwich entre deux biscuits croquants. Plus original encore, vous pouvez vous rafraîchir avec une glace à la feuille d'or de Hakuichi, qui est une glace enrobée de feuilles d'or. Oui, vous avez bien compris, une glace avec de la feuille d'or. Alors en fait, simplement, la feuille d'or fond, et ensuite vous pouvez manger la glace. Kanazawa, c'est plus qu'une lanterne en pierre, c'est un héritage qui a encore de beaux jours devant lui. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon, sur Fadjet. Vous venez d'écouter Asu de Hiroshi Katadani, qui est d'ailleurs la musique le dernier opening de One Piece. Je vous invite à l'écouter sur YouTube ou à l'écouter quand vous regardez les épisodes de One Piece pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait. Tout de suite, je vais vous parler d'un japonais qui est très spécial. Il s'agit d'un Hibakusha, un survivant des bombes atomiques. Tsutomu Yamaguchi. 8 mai 1945, l'Allemagne a capitulé. Si du côté européen, les combats ont cessé, ceux du Pacifique ne sont pas encore terminés. Déterminés, les États-Unis veulent laver l'affront de l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Malgré les avertissements des États-Unis et de ses alliés, le Japon ne l'entend pas de cette oreille et ignore l'ultimatum. C'est pourquoi, les 6 août et 9 août 1945, Little Boy et Fat Man sont largués sur Hiroshima Nagasaki. Yamaguchi ne le sait pas encore, mais sa vie venait de basculer et les deux bombes le marqueront à vie et deviendront son combat éternel. Aujourd'hui, c'est l'histoire de ce japonais avec un grand J que je désire vous raconter. Comme chaque jour de travail, Tsutomu Yamaguchi et ses deux camarades traversent un champ de pommes de terre pour se rendre sur les chantiers navals de Mitsubishi. Le jeune ingénieur voit alors dans le ciel un avion en train de lâcher un projectile sur le centre-ville d'Hiroshima. 6 août 1945, à 8h15, une bombe atomique vient raser les environs et un énorme champignon couvre la ville tout entière. Tsutomu Yamaguchi reprend conscience petit à petit et ne réalise pas alors ce qu'il vient de se passer. Gravement blessé, il devient à moitié sourd de l'oreille gauche, son visage est défiguré, son bras gauche est calciné. Trois jeunes garçons qui travaillent dans une usine à proximité viennent à lui. Une pluie d'acide s'abat alors sur eux. Un des enfants meurt après avoir bu de l'eau polluée par les radiations. Tsutomu part à la recherche de ses deux amis. Il emprunte un des bateaux de Mitsubishi et les retrouve en vie. Face à ce paysage digne de l'enfer, Yamaguchi leur dit « Il faut retourner à Nagasaki par n'importe quel moyen. » Afin de se rendre au train d'évacuation, ils devront traverser une rivière de cadavres. Dans le train, pour Nagasaki, Yamaguchi se repose malgré ses graves blessures. De retour à Nagasaki, Yamaguchi retrouve son petit garçon et sa femme. La tête recouverte de pansements, il se rend tout de même dans les bureaux de Mitsubishi pour informer ses patrons du cataclysme à Hiroshima. Tentant en vain d'expliquer la situation, son patron le prend pour un fou. Furieux, il lui répond « On ne peut pas comprendre à moi de l'avoir vécu !» Soudain, les fenêtres explosent. Tsutomu Yamaguchi est projeté au sol. 9h, 9 août 1945, à 11h02, Nagasaki est à son tour victime de la bombe. Inquiet, il part à la recherche de sa femme et de son enfant. Quel soulagement, il les retrouve sains et saufs. Le bilan est catastrophique. Des dizaines et des dizaines de milliers de civils irradiés. Voulant s'exprimer sur son vécu, sa femme le lui interdit, craignant d'être vu comme des pestiférés de la population nippone. Après un silence long de 50 ans, une tragédie le frappe à nouveau avec la mort de son fils des suites d'un cancer. Yamaguchi est persuadé qu'il s'agit des effets des radiations. L'ingénieur va alors s'engager dans un combat contre les armes nucléaires. En 2005, il répond à l'invitation d'un lycée de Nagasaki. Le vieil homme exprime sa souffrance aux lycéens. Certaines personnes sont mortes en cherchant de l'eau. Des enfants ne pouvaient ni crier, ni fermer les yeux. Ceux qui ont réussi à échapper à la mort ont gardé dans leur cœur des cicatrices indélébiles et incurables. Chacun d'entre vous doit tirer les leçons des événements du passé et ne pas oublier que la paix est inestimable. Nous ne devons jamais renoncer à travailler pour une paix mondiale et éternelle. Moi, Tsutomu Yamaguchi, 90 ans, je veux remettre ma vie entre vos mains. Les lycéens étaient bouleversés par son discours. D'ailleurs, il veut faire de son combat une cause internationale. Il va l'illustrer en prononçant un discours au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York en 2006. Il prononce ces paroles. « Je vous en prie, aidez-moi à obtenir l'élimination des arsenaux nucléaires. Quelle que soit la couleur de peau et la langue que nous parlons, nous souhaitons tous vivre en paix et sans guerre. Un pour tous et tous pour un. Son état de santé se dégrade. Malgré la maladie, il ne rate aucune des cérémonies d'hommage annuelles consacrées aux victimes des bombes. Yamaguchi se refuse toute opération qui pourrait le maintenir en vie. Avant qu'il ne s'éteigne à l'âge de 93 ans, il prononcera ses derniers mots. « Nous devons délivrer au monde un message anti-nucléaire. Ce n'est pas la logistique qui doit avoir la priorité. Ce qui doit l'emporter, c'est la vérité et la conviction. » Malgré le décès de Tsutomu, son combat n'est pas fini. Son témoignage a été transmis à la jeunesse pour que le Japon et le monde n'oublient pas l'enfer des bombes. Avec courage, force et ténacité, le survivant a jusqu'à son dernier souffle de vie milité contre les armes nucléaires et pour la paix. Et comme il disait lors de ses interventions, un pour tous et tous pour un. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, votre émission 100% Japon sur Fadjet. Vous venez d'écouter musique du groupe AAA, qui a d'ailleurs écrit une autre musique qui était un des autres openings de One Piece, qui s'appelle Wake Up ou quelque chose comme ça. Bon, place maintenant à l'univers culture pop, en commençant par mon manga coup de cœur. C'est parti! L'heureuse élue aujourd'hui est un one-shot écrit par Shindo, mangaka française et traductrice de manga best-seller qui sera tout à l'heure mon invité. Avant de parler du manga, il est important de parler de son auteur. Depuis une vingtaine d'années, Shindo travaille sur plusieurs mangas comme Dragon Ball ou Jujutsu Kaisen. Son métier de traductrice l'amène à collaborer avec Kihun, Kaze, Glena et d'autres maisons d'édition. Depuis 2002, et en parallèle avec son travail, elle avait en tête un scénario et à finir par sortir en 2022, Pilgrim. Pilgrim va nous amener à la rencontre d'un jeune garçon nommé Xenos. Alors qu'il est orphelin, il se retrouve débarqué en Hellas, un pays qui fut en guerre avec son pays d'origine, l'Anatolie. Seulement, en raison de ce passé, il sera considéré comme un ennemi. On le reconnaît facilement puisqu'il a les yeux dorés et les pupilles fendues. Dans son pays d'accueil, c'est le chef de l'État qui le recueille et va lui proposer de devenir un Myst, un prêtre qui va avoir des pouvoirs magiques. Alors, moi j'ai trouvé la qualité du dessin très agréable à l'œil. Le texte est très bien écrit, se lit facilement. Ce qui me séduit le plus, c'est le fait de trouver une inspiration via la mythologie grecque pour créer un nouveau monde avec des pays fictifs, les Lasses, l'Anatolie. Des dieux d'une mythologie fictive. Bon, pour ceux qui s'attendent à un one-shot sur les véritables dieux grecs, il faut pas du tout vous attendre à ça, mais il faut vous attendre à quelque chose de nouveau, inspiré d'une mythologie, mais d'une histoire de A à Z. Pilgrim a rencontré son public puisqu'il s'est vendu à 1300 exemplaires. Si vous aussi voulez suivre les aventures de Xenos, rendez-vous sur le site Aerias Manga pour lire gratuitement en ligne ou l'acheter via la boutique du site en version papier. Plus de pop culture sur La Lanterne des Otaku, l'émission 100% Japon sur Fadjet. Écoutez Fadjet, c'était Masayumi Chasing de Boa, un des openings de l'anime Fairy Tail. Tout de suite, les sorties manga et conventions pop culture du mois. Ce mois s'inscrit dans la continuité avec la sortie du tome 38 de My Hero Academia le 1er février. On a ensuite un second plat de résistance le 7 février avec le tome 21 de Dragon Ball Super. Le même jour, The Grace of Gods continue sa lancée avec le tome 8 et ses fameux slimes. Rendez-vous ensuite avec La Magie le 21 février pour célébrer le 18e tome de Mashle. Enfin, faites le plein d'aventures le 28 février avec Jojo's Bizarre Aventure et son 3e tome. Côté convention, un rendez-vous à ne surtout pas manquer à la Gamefest, le salon pop culture qui aura lieu les 10 et 11 février au parc des expositions de Vendeuvre-les-Nancy. Plusieurs invités de marque seront présents, dont un acteur de la saga Harry Potter, Devon Murick, qui a joué Simus, qui était présent qui était un des élèves dans la maison Gryffondor. Ensuite, on aura deux comédiens de doublage, qui sont des habitués des conventions avec Dorothée Pousseau, qui a notamment prêté sa voix dans Overwatch, le jeu vidéo. Elle sera accompagnée de Donald Renew, l'illustre voix française de Titeuf. Enfin, les fans de Pokémon pourront chanter le générique de la toute première saison avec son interprète, Jean-Marc Anthony Cabella. Enfin, pour nos amis vosgiens, vous avez la convention Spinatory qui se tiendra les 24 et 25 février au centre des congrès d'Épinal. Alors là, les organisateurs ont choisi de faire venir les voix françaises d'Harry Potter, de Drago Malfoy et de Ginny Weasley. Donc pour vous qui avez déjà écouté ces voix-là, donc elles seront présentes pour de vrai à Spinatory. Alors les autres invités doivent être encore annoncés, donc restez informés sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de la convention. Vous écoutez La Lanterne des Otaku, l'émission 100% Japon sur Fadjet. Sola de mate, kimi ni ukan yo, mune no kantan kazoete. venez d'écouter Empire Pierce de Empire, du groupe Empire, donc un des endings de l'anime Fairy Tail. Pour la dernière partie de cette émission, Parole de Samouraï, je donne la parole à ceux qui ont à cœur de valoriser la culture japonaise de par leur passion du Japon. Donc ma toute première samouraï, elle est à la fois traductrice et mangaka française. Il s'agit de Shindo, de son prénom Fédois, qui va nous parler de son métier de traductrice et de son manga Pilgrim. Bonjour Fédois. Bonjour Léo. Merci d'accorder cette interview à Fadjet. Donc j'ai parlé tout à l'heure de Pilgrim. Comment ça t'est venu d'écrire ce one-shot ? Oh, bah alors, c'est une longue histoire. En fait, moi, comme j'ai toujours voulu être dessinatrice de BD et ensuite dessinatrice de manga plus précisément, c'est une histoire que j'ai commencé à écrire il y a plus de 20 ans maintenant. Et en fait, j'ai un scénario principal qui est voué à devenir une série en plusieurs tomes. Mais quand je me suis lancée dans ce projet-là, ça faisait plus de 20 ans que je n'avais pas dessiné sérieusement et je ne voulais pas commencer par ce scénario-là. Et c'est là que je me suis dit, tant qu'à faire, autant commencer par une histoire plus courte, en un volume. Et comme j'avais envie de rester quand même dans le même univers avec mes personnages qui me sont très familiers, j'ai décidé de faire une sorte de préquel à mon histoire. Et c'est comme ça qu'est né Pilgrim. Ok, très bien. Et justement, Pilgrim, donc c'est l'histoire de Xenos. Est-ce que tu peux nous parler de ce petit garçon ? Alors, le pauvre, il part pas tellement gagnant dans la vie, il est orphelin, il arrive dans un pays qui était en guerre contre le pays d'où il vient, donc là, dans son pays d'accueil, il est considéré comme un ennemi, comme un étranger, il est ostracisé parce que juste à cause de ses origines, mais il trouve un allié en la personne du chef d'État, donc ça va, c'est pas n'importe qui, et qui va lui proposer d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs magiques parce qu'il a un grand, grand talent pour la magie, voilà. D'accord. Et donc, il veut devenir Myst. Myst, c'est pour acquérir des pouvoirs magiques, c'est ça ? Oui, alors Myst, c'est un titre. Donc, en Hellas, qui est le pays qui a un petit peu le monopole de la magie dans mon univers. Et ce monopole de la magie est gardé par le clergé. Donc, il y a beaucoup de... Il y a une hiérarchie très importante et les mystes font partie de l'élite de la nation un petit peu. C'est vraiment ceux qui ont la maîtrise de la magie, donc qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir. Et Xenos, qui lui va être initié au mystère, aux arcanes de la magie, ça va pas être vu d'un très bon œil parce que lui, il est étranger et est-ce qu'il a vraiment le droit de faire partie de l'élite d'une nation à laquelle il n'appartient pas à l'origine ? D'accord. Quand on lit ton one-shot, on voit beaucoup des décors inspirés de la mythologie grecque. Est-ce que c'est dans cette mythologie que tu as puisé ton inspiration ? Alors, inspiration, oui. Vraiment, au niveau, comme tu dis, des décors. Après, au niveau du scénario, pas du tout. La Grèce, ça va être plus une sorte de coloration que je vais donner à mon histoire. Bon, je m'appuie quand même sur pas tant sur la mythologie, mais vraiment sur un culte qui était réellement rendu en Grèce antique, donc les mystères d'Eleusis qui existaient vraiment. Mais par contre, je m'éloigne énormément de ce que c'était vraiment historiquement. C'est une base que j'ai prise parce que moi, je suis vraiment fan de mythologie et de Grèce antique depuis que je suis toute petite. Et je brode autour de ça sans vergogne, j'ai envie de dire. Ok. Alors, au niveau du manga en général, quelles sont un petit peu les différentes étapes quand on veut réaliser son propre manga, comme tu l'as fait avec Pilgrim ? Alors, moi, je suis en auto-édition, donc ça me permet de me passer d'une étape qui normalement est très importante, c'est-à-dire trouver un éditeur et convaincre un éditeur. Moi, c'est vrai que je n'ai pas fait ça. J'ai fait mon manga un petit peu dans mon coin et je l'ai publié sur mon site. Et plus concrètement, donc bah pour faire un manga, faut d'abord avoir une idée et j'ai envie de dire avoir une idée et vouloir parler de ce qu'on aime. C'est vraiment très important parce que si on doit travailler pendant des heures, des jours, des mois, des années sur un scénario, il faut vraiment que ça nous plaise et qu'on garde toujours ce plaisir de travailler sur son histoire. Oui, bien sûr, ça sert à Donc rien de se lancer voilà. dans quelque chose qui nous plaît pas ou on est quelque chose qu'on est forcé à faire, quoi. Voilà, donc vraiment trouver un sujet qui nous plaît. Donc moi c'était un mix entre la Grèce, et le tarot divinatoire et la fantasy parce que je suis une grande fan de fantasy à l'ancienne. D'accord. Et à partir de là, j'ai pas vraiment de conseils pour savoir comment concevoir un scénario, mais il y a beaucoup de livres qui traitent de ce sujet-là. Après, une fois qu'on a une histoire en tête, il faut faire un storyboard. C'est-à-dire, le storyboard, c'est une sorte de brouillon vraiment très esquissé rapidement pour savoir comment placer les cases, comment placer les personnages dans les cases, savoir où mettre les villes, Ouais. les dialogues, etc., etc. Et ça, j'ai envie de dire que c'est presque l'étape la plus importante en manga et en bande dessinée, parce que c'est un bon storyboard qui va faire que la lecture va être fluide et agréable pour le lecteur. OK. Donc une fois que cette étape-là est validée, on peut passer à l'étape du crayonné. Donc on dessine au propre au crayon et ensuite il y a l'ancrage. Donc on repasse à l'encre les dessins au crayon. Ok, très bien. Alors donc, j'ai parlé de ton premier métier, donc de mangaka, mais tu as aussi t'as une seconde casquette qui est celui de traductrice. Déjà, Oui. comment est-ce que tu es devenue traductrice de manga best-seller comme Dragon Ball ou Jujutsu Kaisen? Oh bah ça c'est complètement par hasard en fait parce que moi je faisais des études de japonais pas du tout pour devenir traductrice parce que moi depuis le début moi je voulais être mangaka donc je suis dans le Japon j'ai appris le japonais parce que j'ai une sorte de facilité pour apprendre les langues vivantes donc je me disais allez c'est le bon plan et pendant que je faisais mes études j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de faire de la traduction de manga. Et moi, comme j'ai toujours adoré le manga et que j'aimais bien traduire aussi, je me suis lancée là-dedans. Je pensais pas que ça deviendrait mon métier à plein temps pendant plus de 20 ans, hein, j'avoue. Mais voilà comment je suis arrivée là-dedans. Et puis comment j'en suis arrivée à traduire Dragon Ball, j'ai pas mal harcelé l'éditeur en question chez Glénat, je leur avais proposé, je voulais pas que ce soit moi qui le fasse, mais je leur disais que ce serait bien de faire une retraduction de Dragon Ball. Au final, c'est moi qui ai eu la chance de m'y coller. Et D'accord. puis ensuite, c'est un petit milieu, donc tout se fait un peu par bouche à oreille. J'ai d'autres amis qui ont été engagés chez d'autres éditeurs et qui m'ont proposé de travailler pour eux, etc., etc. Et puis au final, tout le monde finit par se connaître et quand un éditeur est content du travail d'un traducteur, il lui propose de plus en plus de séries. Voilà comment j'en suis arrivée là. Ok, alors tu as parlé des maisons d'édition comme Glénat. Comment ça se passe les relations de travail entre toi et chacune des maisons d'édition? Est-ce que Oh tu as bah. la même manière de travailler avec chacune d'entre elles ou est-ce que tu en as plusieurs? Non, alors en fait, chaque éditeur va avoir un cahier des charges bien précis et particulier. Donc des fois, quand on a vraiment beaucoup, beaucoup d'éditeurs, ça devient un vrai casse-tête de savoir qui veut quoi, que ce soit au niveau des ponctuations, que ce soit au niveau de l'indexation du volume japonais, que ce soit au niveau des registres de langage utilisés. Il y a des éditeurs qui ont vraiment des attentes très précises mais on peut les retrouver parce que chacun nous fournit son cahier des charges et son protocole de traduction. Donc si on a un petit doute, on peut toujours rejeter un œil, savoir, ah oui, c'est vrai, chez cet éditeur-là, il faut pas mettre de points à la fin des phrases, etc., etc. Ok. Quelles sont les difficultés, quelles difficultés tu peux rencontrer quand tu traduis un titre? Oh bah des difficultés, il y en a plein, hein, parce que le japonais est une langue vraiment très différente du français, que ce soit au niveau de la structure de la phrase au niveau de l'écriture, c'est-à-dire que le japonais va prendre moins de place, moins d'espace que le français dans les bulles. La taille des bulles n'est pas adaptée au texte français, donc faut apprendre à faire des phrases plus courtes, plus concises, que ce soit plus efficace en français, sinon ça va pas, tout va pas tenir, et ça va faire des textes très petits, ça va pas être agréable à lire. D'accord. Et sinon, le japonais, c'est une langue qui est très floue, qui va être soumise à interprétation, et des fois, le traducteur, il va être un peu livré à lui-même en se disant, mince, cette phrase, elle peut se traduire de deux façons différentes, quelle est la bonne ? Et malheureusement, on n'a pas toujours le temps de contacter l'auteur, on n'a même jamais le temps de contacter l'auteur pour lui demander ce qu'il a voulu dire. Donc parfois on doit être un peu profiler pour se mettre vraiment à la place de l'auteur, se dire mais qu'est-ce qu'il a voulu dire d'après le contexte, d'après ce qui s'est passé avant, d'après ce qui va se passer après, quel est le vrai sens de cette phrase. D'accord. Alors, la dernière question, quels sont tes projets pour 2024 ? 2024, alors, moi, mes projets, c'est de plus en plus freiner sur la traduction pour me consacrer à mon manga, parce que là, j'en ai un nouveau qui est en préparation, qui est en cours de prépublication. Et c'est vrai que moi, ma vraie vocation, c'est mangaka, et j'ai fait de la traduction avec une grande passion pendant des décennies, et là, c'est vraiment le moment où j'ai envie de lever le pied de ce côté-là, et puis de vraiment me consacrer à mes personnages. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Fedwa, d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, je rappelle que on peut retrouver tous les chapitres de Pilgrim sur ton site aerialsmanga.com. Et les deux premiers chapitres de Heathens, mon nouveau manga. Très bien. Et pour ceux qui veulent commander la version papier, il faut le faire par la boutique, c'est ça ? Il y a une boutique directement en ligne sur mon site aussi, aerialsmanga. Ok, très bien. Et on te souhaite bon courage pour cette année. Et puis, merci. Voilà. Au revoir, Fedwa. Au revoir, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de la lanterne des otaku. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous le mois prochain pour la prochaine émission. Sayonara à tous.